La cité de Dieu de saint Augustin, livre 20e, Le jugement dernier. Tome 4e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 6. De la première résurrection et de la seconde. Il poursuit en ces termes. En vérité, je vous dis que le temps vient, et qu'il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'entendront vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, 25, 26. Il ne parle pas encore de la seconde résurrection, c'est-à-dire de celle des corps, qui doit arriver à la fin du monde, mais de la première, qui se fait maintenant. C'est pour distinguer celle-ci de l'autre qu'il dit, « Le temps vient, et il est déjà venu. » Or, cette résurrection ne regarde pas les corps, mais les âmes. Les âmes ont aussi leur mort, qui consiste dans l'impiété et dans le crime, et c'est de celle-là que sont morts ceux dont le Seigneur a dit « Laissez les morts, ensevelir leurs morts. » Matthieu 8, 22. C'est-à-dire laisser ceux qui sont morts de la mort de l'âme, ensevelir ceux qui sont morts, de la mort du corps. Il dit donc de ces morts que l'impiété et le crime ont fait mourir dans l'âme. Le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Ceux, dit-il, qui l'entendront, c'est-à-dire qui lui obéiront, qui croiront en lui et qui persévéreront jusqu'à la fin. Il ne fait ici aucune différence entre les bons et les méchants, parce qu'il est avantageux à tous d'entendre sa voix et de vivre, en passant de la mort de l'impiété à la vie de la grâce. C'est de cette mort que saint Paul dit « Donc tous sont morts, et un seul est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité à cause d'eux. » 2 Corinthiens 5, 14, 15. Ainsi, tous sans exception sont morts par le péché, soit par le péché originel, soit par les péchés actuels qu'ils y ont ajoutés, par ignorance ou par malice, et un seul vivant, c'est-à-dire exempt de tout péché, est mort pour tous ces morts, afin que ceux qui vivent parce que leurs péchés leur ont été remis, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour tous à cause de nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification, afin que, croyant en celui qui justifie l'impie et étant justifié de notre impiété comme des morts qui ressuscitent, nous puissions appartenir à la première résurrection qui se fait maintenant. À celle-là n'appartiennent que ceux qui seront éternellement heureux, au lieu que l'apôtre nous apprend que les bons et les méchants appartiendront à la seconde, dont il va parler tout à l'heure. Celle-ci est de miséricorde, et celle-là de justice. Ce qui fait dire au psalmiste, « Seigneur, je chanterai votre miséricorde et votre jugement. » Psaume 100, premier verset. C'est de ce jugement que saint Jean parle ensuite, quand il dit, « Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Il montre par là qu'il viendra juger, revêtu de la même chair dans laquelle il était venu pour être jugé. Et il dit pour cette raison, « Parce qu'il est le Fils de l'homme. » Puis, parlant de ce dont nous traitons, « Ne vous étonnez pas de cela, » dit-il, car le temps viendra que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront bien vécu sortiront pour ressusciter à la vie, comme les autres pour ressusciter au jugement. Jean 5, 27 à 29. Voilà ce jugement dont il a parlé auparavant, pour désigner la condamnation, En ces termes, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle, et ne viendra point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Ce qui signifie qu'appartenant à la première résurrection, par laquelle on passe maintenant de la mort à la vie, il ne tombera point dans la damnation qu'il identifie avec le jugement, quand il dit « comme les autres pour ressusciter au jugement », c'est-à-dire pour être condamné. Que celui donc qui ne veut pas être condamné à la seconde résurrection ressuscite à la première, car « le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » En d'autres termes, ils ne tomberont point dans la damnation que l'Écriture appelle la seconde mort et où seront précipités, après la seconde résurrection, qui est celle des corps, ceux qui n'auront pas ressuscité à la première, qui est celle des âmes. Il poursuit ainsi, « le temps viendra », et il n'ajoute pas, « et il est déjà venu ». Parce que celui-là ne viendra qu'à la fin du monde, au grand et dernier jugement de Dieu. Le temps, dit-il, viendra que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Il ne dit pas, comme lorsqu'il parle de la première résurrection, que ceux qui l'entendront vivront. En effet, tous ceux qui l'entendront ne vivront pas, au moins de la vie qui seule mérite ce nom, parce qu'elle est bienheureuse. S'il n'avait quelque sorte de vie, ils ne pourraient pas l'entendre, ni sortir de leur tombeau, lorsque leur corps ressuscitera. Or, il nous apprend ensuite pourquoi tous ne vivront pas. Ceux, dit-il, qui ont bien vécu sortiront pour ressusciter à la vie, voilà ceux qui vivront. Et les autres pour ressusciter au jugement, voilà ceux qui ne vivront pas, parce qu'ils mourront de la seconde mort. S'ils ont mal vécu, c'est qu'ils ne sont pas ressuscités à la première résurrection qui se fait maintenant, c'est-à-dire à celle des âmes, ou parce qu'ils n'y ont pas persévéré jusqu'à la fin. De même qu'il y a deux générations, dont j'ai déjà parlé ci-dessus, l'une selon la foi, qui se fait maintenant par le baptême, et l'autre selon la chair, qui se fera au dernier jugement, quand la chair deviendra immortelle et incorruptible. De même il y a deux résurrections. La première, qui est celle des âmes, se fait présentement, et l'empêche de tomber dans la seconde mort. L'autre ne se fera qu'à la fin du monde. Elle ne regarde pas les âmes, mais les corps, qu'elle enverra, par suite du jugement dernier, les uns dans la seconde mort, et les autres dans cette vie où il n'y a point de mort. Chapitre 7. Ce qu'il faut entendre raisonnablement par les deux résurrections, et par le règne de 1000 ans, dont saint Jean parle dans son Apocalypse. Le même évangéliste parle de ces deux résurrections dans son Apocalypse, mais de telle sorte que quelques-uns des nôtres, n'ayant pas compris la première, ont donné dans des visions ridicules. Voici ce que dit l'apôtre saint Jean. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, et une chaîne en sa main, et il prit le dragon, cet ancien serpent qu'on appelle le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Puis l'ayant précipité dans l'abîme, il ferma l'abîme et le scella sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il doit être lié pour un peu de temps. Je vis aussi des trônes et des personnes assises dessus, à qui la puissance de juger fut donnée. Avec elles, les âmes de ceux qui ont été égorgés pour les témoignages qu'ils ont rendus à Jésus et pour la parole de Dieu, et tous ceux qui n'ont point adoré la bête ni son image, ni reçu son caractère sur le front ou dans leurs mains, et ils ont régné pendant 1000 ans avec Jésus. Les autres n'ont point vécu jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Voilà la première résurrection. Heureux et saint est celui qui y a part. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Jésus-Christ, et ils régneront 1000 ans avec lui. Apocalypse 20, 1 à 5. Ceux à qui ces paroles ont donné lieu de croire que la première résurrection sera corporelle, ont surtout adopté cette opinion à cause du nombre de 1000 ans, dans la pensée que tout ce temps doit être comme le sabbat des saints, où ils se reposeront après les travaux de 6000 ans qui seront écoulés depuis que l'homme a été créé et précipité de la félicité du paradis dans les misères de la vie mortelle, afin que, suivant cette parole, devant Dieu un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3:8. 6000 ans s'étant écoulés comme 6 jours, le septième, c'est-à-dire les derniers 1000 ans, tiennent lieu de sabbat aux 5 qui ressusciteront pour le solenniser. Tout cela serait jusqu'à un certain point admissible, si l'on croyait que durant ce sabbat les saints jouiront de quelques délices spirituels, à cause de la présence du Sauveur, et j'ai moi-même autrefois été de ce sentiment. Voyez les sermons de saint Augustin, Solennité et panégyrique numéro 259. Mais comme ceux qui l'adoptent disent que les saints seront dans des festins continuels, il n'y a que des âmes charnelles qui puissent être de leur avis. Aussi les spirituels leur ont-ils donné le nom de Kyliaste, d'un mot grec, Kyliastas, qui peut se traduire littéralement par millénaire. C'est aussi le nom que leur donne saint Jérôme. Il serait trop long de les réfuter en détail. J'aime mieux montrer comment on doit entendre ces paroles de l'Apocalypse. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, « Personne ne peut entrer dans la maison du fort et lui enlever ses biens qu'il ne les liait auparavant. » Marc 3, 27. Par le fort, il entend le diable, parce qu'il s'est assujetti le genre humain, et par ses biens, les fidèles qu'il tenait engagés dans l'impiété et dans le crime. C'était donc pour lier ce fort que saint Jean, selon l'Apocalypse, vit un ange descendre du ciel, qui tenait la clé de l'abîme et la chaîne. Et il prit, dit-il, le dragon, cet ancien serpent, que l'on nomme le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, c'est-à-dire qu'il l'empêcha de séduire et de s'assujettir ceux qui devaient être délivrés. Pour les 1000 ans, on peut les entendre de deux manières, ou bien parce que ces choses se passent dans les derniers 1000 ans, c'est-à-dire au 6e millénaire, dont les dernières années s'écoulent présentement pour être suivies du sabbat qui n'a point de soir, c'est-à-dire du repos des 5 qui ne finira jamais, de sorte que l'Écriture appelle ici 1000 ans la dernière partie de ce temps, en prenant la partie pour le tout. Ou bien elle se sert de ce nombre pour toute la durée du monde, employant ainsi un nombre parfait pour marquer la plénitude du temps. Le nombre de 1000 est le cube de 10, 10 fois 10 faisant 100, mais c'est là une figure plane, et pour la rendre solide, il faut multiplier 100 par 10 et cela fait 1000. D'ailleurs, si l'Écriture se sert de 100 pour un nombre indéfini, comme lorsque notre Seigneur promet à celui qui quittera tout pour le suivre, qu'il recevra le centuple des 7 vies. Matthieu 19, 29, Marc 19, 30. Ce que l'apôtre exprime en disant qu'un véritable chrétien possède toute chose, bien qu'il semble qu'il n'ait rien. 2 Corinthiens 6, 10. Selon cette parole encore, le monde est le trésor du fidèle. Proverbe 17, 6, b, suivant la Septante, combien plus le nombre de 1000 ans doit-il signifier l'universalité? Aussi est-ce le meilleur sens qu'on puisse donner à ces paroles du psaume? Il s'est toujours souvenu de son alliance et de la promesse qu'il a faite pour 1000 générations. Psaume 104, 8. C'est-à-dire pour toutes les générations. Saint Jean poursuit, et il le précipita dans l'abîme. Par cet abîme est marquée la multitude innombrable des impies, dont le cœur est un gouffre de malignité contre l'Église de Dieu. Non que le diable n'y fût déjà auparavant, mais parce qu'étant exclu de la société des fidèles, il a commencé à posséder davantage les autres. Celui-là est plus possédé du diable, qui non seulement est éloigné de Dieu, mais qui est même les serviteurs de Dieu sans raison. Et il le ferma, dit-il, et le scella sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Il le ferma sur lui, c'est-à-dire il lui défendit d'en sortir. Ce qu'ajoute saint Jean, qu'il le scella, signifie, selon moi, que Dieu ne veut pas qu'on sache quels sont ceux qui appartiennent au démon ou ceux qui ne lui appartiennent pas, et c'est une chose tout à fait incertaine en cette vie, parce qu'il est incertain si celui qui semble être debout ne tombera point, et si celui qui semble être tombé ne se relèvera point. Or, le diable est ainsi lié et enfermé pour être incapable de séduire les nations qui appartiennent à Jésus-Christ et qu'il séduisait auparavant. Dieu, comme dit l'apôtre, a résolu, avant la naissance du monde, de les délivrer de la puissance des ténèbres, Éphésiens 1, 4, et de les faire passer dans le royaume du Fils de son amour, Colossiens 1, 13. Les fidèles ignorent-ils que maintenant même le démon séduit les nations et les entraîne avec lui au supplice éternel, mais ce ne sont pas celles qui sont prédestinées à la vie bienheureuse. Il ne faut pas s'arrêter à ce que le diable séduit souvent ceux même qui, régénérés en Jésus-Christ, marchent dans les voies de Dieu, car, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. 2 Timothée 2, 19, et de cela, Satan n'en séduit aucun jusqu'à le faire tomber dans la damnation éternelle. Le Seigneur les connaît comme Dieu, c'est-à-dire comme celui à qui rien de ce qui doit arriver n'est caché, et non comme un homme, qui ne voit un autre homme que quand il est présent, si toutefois on peut dire qu'il voit celui dont il ne voit pas le cœur, et dont il ne sait pas ce qu'il doit devenir ensuite, non plus que lui-même. Le diable est donc lié et enfermé dans l'abîme, afin qu'il ne séduise pas les nations qui composent l'Église et qu'il séduisait auparavant, lorsque l'Église n'était pas encore. Il n'était pas dit, en effet, afin qu'il ne séduisît plus personne, mais, afin qu'il ne séduisît plus les nations, par lesquelles l'apôtre a voulu sans doute qu'on entendît l'Église. Jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis, c'est-à-dire ce qui reste du sixième jour qui est de 1000 ans, ou bien ce qui reste de la durée du monde. Et ces mots, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis, il ne faut pas les entendre comme s'ils devaient plus tard séduire les nations qui composent l'Église des prédestinés. Car ou bien cette expression est semblable à celle-ci. Nos yeux sont arrêtés sur le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, Psaume 122, 2, où il est clair que, lorsque Dieu aura pris pitié de ses serviteurs, ils ne laisseront pas de jeter les yeux sur lui. Ou bien voici l'ordre de ses paroles. Et il ferma l'abîme et il le scella sur lui, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis, de sorte que ce qu'il ajoute, afin qu'il ne séduisît plus les nations, doit s'entendre, indépendamment du reste, comme si toute période était conçue ainsi. Et il ferma l'abîme, et il le scella sur lui, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis, afin qu'il ne séduisît plus les nations. En d'autres termes, C'est afin qu'il cesse de séduire les nations que l'abîme est fermé jusqu'à la révolution de 1000 ans. Chapitre 8. Du diable enchaîné et délié de ses chaînes. Après cela, dit saint Jean, il doit être délié pour un peu de temps. Apocalypse 23. Si le diable est lié et enfermé, afin qu'il ne puisse pas séduire l'Église, sa délivrance consistera-t-elle à le pouvoir, à Dieu ne plaise. Il ne séduira jamais l'Église prédestinée et élue avant la création du monde, dont il est dit que, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Cependant il y aura ici-bas une Église, autant que le diable doit être délié, comme il y en a toujours eu une depuis Jésus-Christ. Saint Jean dit un peu après, que le diable, une fois délié, portera les nations qu'il aura séduites dans le monde entier, à faire la guerre à l'Église, et que le nombre de ses ennemis égalera les sables de la mer. Et ils se répandirent, dit-il, sur la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée de Dieu. Mais Dieu fit tomber un feu du ciel qui les dévora, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans un étang de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète, pour y être tourmenté jour et nuit dans les siècles des siècles. Apocalypse 20, 8 à 10. Ce passage regarde le dernier jugement, et néanmoins j'ai été bien aise de le rapporter de peur qu'on ne s'imagine que, dans le peu de temps que le diable doit être délié, il n'y aura point d'église en ce monde, soit qu'il ne l'y trouve plus, soit qu'il la détruise par ses persécutions. Le diable n'a donc pas été lié dans tout ce temps que comprend l'Apocalypse, savoir, depuis le premier avènement de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde où se fera le second. Et c'est ce que saint Jean appelle 1000 ans, en sorte que l'Écriture entend par là que le diable ne séduira pas l'Église pendant cet intervalle, puisqu'il ne la séduira pas non plus lorsqu'il sera délié. En effet, il est indubitable que si c'était trop lié pour lui que de pouvoir séduire l'Église, il le pourra faire quand il sera délié. Être lié par rapport au diable, c'est donc n'avoir pas permission de tenter les hommes autant qu'il peut, par adresse ou par violence, pour les faire passer à son parti. Si cela lui était permis pendant un si long espace de temps, la faiblesse des hommes est telle qu'il ferait tomber un grand nombre de fidèles et qu'il empêcherait beaucoup d'hommes de le devenir, ce que Dieu ne veut pas. Aussi est-ce pour l'en empêcher qu'il l'a lié. Mais il sera délié quand il ne restera que peu de temps. L'Écriture nous apprend que le démon et ses complices tourneront toute leur rage contre l'Église pendant 3 ans et demi. Ce sont les 42 mois de règne de l'Antéchrist annoncés par saint Jean, Apocalypse 11, 2. Et ceux à qui il aura affaire seront tels qu'il ne les pourra surmonter ni par force, ni par artifice. Or, s'il n'était jamais délié, on ne connaîtrait pas si bien sa puissance et sa malignité, ni la patience de la cité sainte, non plus que la sagesse admirable avec laquelle le Tout-Puissant a su se servir de la malice du diable, soit en ne l'empêchant pas de séduire les saints, afin d'exercer leur vertu, soit en ne lui permettant pas d'user de toute sa fureur, de peur qu'il ne triomphât d'une infinité d'hommes faibles qui devaient grossir les rangs de l'Église. Il sera donc délié sur la fin des temps, afin que la cité de Dieu reconnaisse, à la gloire de son Rédempteur et de son Libérateur, quel adversaire elle aura surmonté. Que sommes-nous en comparaison des chrétiens qui seront alors, puisqu'ils surmonteront un ennemi déchaîné, que nous avons bien de la peine à combattre, tout lié qu'il est. Néanmoins, il n'y a point de doute que pendant cet intervalle même, Dieu n'ait eu né encore des soldats si braves et si expérimentés que fussent-ils vivants quand le diable sera délié, ils ne craindraient ni ses efforts, ni ses ruses. Or, le diable n'a pas seulement été lié lorsque l'Église a commencé de se répandre de la Judée parmi les nations, mais il est encore maintenant et le sera jusqu'à la fin des siècles, où il doit être délié. Nous voyons encore tous les jours des personnes quitter leur infidélité dans laquelle le démon les retenait, et embrasser la foi, et il y en aura toujours sans doute qui se convertiront jusqu'à la fin du monde. Le fort est lié de même à l'égard de chacun des fidèles, lorsqu'ils lui sont enlevés comme sa proie, comme, d'autre part, l'abîme où il a été enfermé n'a pas été détruit par la mort des premiers persécuteurs de l'Église, mais à ceux-là d'autres ont succédé et leur succéderont jusqu'à la fin des siècles, afin qu'ils soient toujours enfermés dans ces cœurs pleins de passion et d'aveuglement, comme en un abîme profond. Or, c'est une question de savoir si, pendant ces trois dernières années et demie que le démon exercera toute sa fureur, il y aura encore quelques hommes, au milieu des fidèles, qui embrasseront la foi. Comment cette parole se justifierait-elle? Personne ne peut entrer dans la maison du fort, et lui enlever ses biens, qu'il ne l'ait d'abord lié, Matthieu 12, 29, si on les lui enlève lors même qu'il est délié. Il semble donc que cela nous oblige à croire qu'en ce peu de temps l'Église ne fera aucune nouvelle conquête, mais que le diable combattra seulement contre ceux qui se trouveront déjà chrétiens. Et si quelques-uns de ceux-là sont vaincus, il faut dire qu'ils n'étaient pas du nombre des prédestinés. Ce n'est pas en vain que le même saint Jean, qui a écrit l'Apocalypse, a dit de quelques-uns dans une de ses épîtres, « Ils sont sortis d'avec nous, mais ils n'étaient pas d'entre nous, car s'ils eussent été d'entre nous, ils y seraient demeurés. » Jean 2, 19. Mais que dirons-nous des petits-enfants? Il n'est pas croyable que cette dernière persécution n'en trouve point parmi les chrétiens qui ne soient pas baptisés, et que même ils ne leur en naissent pendant ce temps, et en ce cas que leurs parents ne les baptisent. Comment donc enlèvera-t-on ses biens à Satan, puisqu'il sera délié, et que, selon la parole du Seigneur, personne n'entre en sa maison et ne lui enlève ses biens, qu'il ne les lie auparavant. Croyons donc plutôt que, même pendant ce temps, les apostasies ne manqueront point, non plus que les conversions, et que les parents auront assez de courage pour baptiser leurs enfants, aussi bien que les nouveaux convertis, qu'ils vaincront ce fort, tout délié qu'il sera, c'est-à-dire quoi qu'il emploie contre des ruses et des manœuvres qu'il n'avait point encore mises en usage, tellement qu'ils lui seront encore enlevés, quoi qu'il ne soit pas lié. Néanmoins, la parole de l'Évangile subsistera toujours, que, personne ne peut entrer dans la maison du fort, ni lui enlever ses biens, qu'il ne les lie auparavant. Cet ordre a été, en effet, observé. On a lié d'abord le fort, et on lui a ensuite enlevé ses biens dans toutes les nations, pour en composer l'Église, qui s'est depuis accrue et fortifiée au point de devenir capable de dépouiller le démon, lors même qu'il sera délié. De même qu'il faut avouer que la charité de plusieurs se refroidira, parce que le crime sera triomphant, Matthieu 25, 12, et que plusieurs, qui ne sont pas écrits au livre de vie, succomberont sous les persécutions inouïes du diable déjà délié. De même il faut croire que non seulement les véritables chrétiens, mais que quelques-uns de ceux-mêmes qui seront hors de l'Église, aidés de la grâce de Dieu et de l'autorité des Écritures, qui ont prédit la fin du monde qu'ils verront arriver, seront plus disposés à croire ce qu'ils ne croyaient pas, et plus forts pour vaincre le diable, tout déchaîné qu'il sera. Disons, dans cet état de choses, qu'il a été lié afin qu'on lui puisse enlever ses biens, lors même qu'il sera délié, suivant cette parole du Sauveur. Comment peut-on entrer dans la maison du fort pour lui enlever ses biens, qu'on ne l'ait lié auparavant? Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.